Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Alors, comme d'habitude, petite intro, on met une petite musique histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. J'espère que vous allez bien, bienvenue en tout cas dans ce podcast 15 minutes express high-tech où on parle en fait de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va voir pourquoi, comment passer d'un système Windows à un système Mac OS et d'un système Android à un système iOS d'Apple. Alors, tout de suite, on va se dire qu'on va enlever le facteur tarif pour Apple, puisque ça peut être, c'est le gros frein justement pour passer sur ce type de système. Donc retirons ce facteur là pour qu'on puisse en parler plus vraiment concentré sur les fonctionnalités, etc. Alors la première question qui pourrait venir, c'est pourquoi passer d'un Windows à un Mac. Je pense qu'il y aura un autre podcast qui nous permettra de voir pourquoi passer de Mac à Windows et de iOS à Android. Je suis passé de Windows à macOS sur ordinateur et je suis passé de Android à iOS. Alors sachez qu'en fait j'ai pu passer de Android à iOS et de Windows à macOS parce que j'avais déjà au niveau ordinateur j'avais déjà un Mac et un Windows. Donc c'était peut-être plus facile de passer à 100% sur du Mac que quelqu'un qui passerait à 100% de Windows à Mac directement. Alors justement pour la petite histoire, pourquoi je suis passé de Windows à Mac à 100%? Parce que je voulais que ce que je fais sur mon Mac et ce que je fais sur mon téléphone, donc sur un iOS, sur un système iOS, soit exactement la même chose, se synchronise, etc. Alors vous allez me dire qu'il y a des choses aussi qui synchronisent aussi quand vous utilisez Windows et puis Android, bien sûr, comme le Google Agenda, comme les mails, comme les notes, comme énormément de choses. En fait, après, c'est mes impressions, sachez-le, que je trouve que l'environnement, en fait, Apple, iOS et macOS sont vraiment bien intégrés, bien étudiés, bien finis, vraiment très bien finis, puisque, en fait, eux, ils font leur système, ils font leur produit, donc forcément, ça fonctionne forcément mieux, c'est mieux abouti. Donc voilà, le gros point pourquoi je change de Windows à Mac, c'est justement pour avoir sur un objet fixe mon agenda, sur mes notes, etc. Avec un accès hyper rapide, la synchronisation des photos sur l'app photo du Mac, et puis avec les systèmes iOS, iPadOS et iOS. Et effectivement, en fait, c'est quand même beaucoup mieux, puisque à chaque fois que je fais quelque chose sur le téléphone ou sur la tablette, en fait tout est synchronisé sur le Mac d'une manière vraiment très très fluide. Voilà, je dois pas installer d'applications tierces, etc. pour avoir toutes ces synchronisations. Tout est déjà prévu et tout est déjà bien fini. C'est l'une des raisons, puisque l'autre raison c'est aussi la puissance des produits, la capacité technique de ces produits là qui font qu'il y a une fluidité aussi, et puis il y a des mises à jour qui se font en fait un peu plus longtemps dans le temps. Il y a aussi le facteur revente qui permet aussi de pas perdre énormément sur ces produits là et je trouve vraiment que voilà la principale chose qui me dit de passer d'un Windows à un Mac, c'est vraiment ensuite ce qui en découle, la synchronisation avec tous les objets. J'ai envie de dire, voilà, je passais de Mac à PC, de PC à Mac, parce qu'en fait, Simplement, je trouvais que c'est mieux d'avoir un seul environnement, puisque quand vous êtes sur Windows et que quand vous êtes sur Android, bah, c'est pas Windows OS, hein, c'est pas Windows OS avec un Windows OS Phone. Donc il n'y a pas une alchimie vraiment qui se fait super. Enfin, il n'y a pas de, voilà, c'est deux choses différentes. Et je trouve que le fait que ce soit plusieurs choses différentes, bah, y a pas de, c'est pas top, je trouve. Voilà. Après, ça fonctionne très bien. Seulement, je trouve que quand vous avez un système, un environnement Apple qui travaille vraiment sur une intégration de toutes leurs applications d'un système fixe ordinateur et d'un système terminaux mobiles, etc., tablette, téléphone, bah ça change quand même, franchement. Pourtant, en parallèle de mon Mac, j'ai un PC. Je change régulièrement. Enfin, voilà. Je suis passé sur Android pendant 5 ans, bien que j'aime beaucoup la marque Apple et le produit, la finition, le système d'exploitation, mais je suis passé quand même Android parce que je ne suis pas têtu. Et je trouve que c'est quand même... je suis revenu sur Apple justement parce que j'avais un doublon entre Windows et Mac, j'avais un système Android, donc je me retrouve avec trois systèmes différents. Et voilà, alors après je sais pas, c'est parce qu'on vieillit, on a envie que voilà, tout soit bien carré, etc. Mais peut-être aussi, hein, c'est peut-être pour ça. Mais en fait, voilà, je voulais vraiment revenir à un seul système, puisque je considère le système macOS et le système iOS étant la même finalité finalement. Donc je me trouve plus à l'aise aujourd'hui. Voilà, je suis passé du côté... Des amis me disent que je suis passé du côté obscur de la force, puisque ce sont des amis... c'est bizarre d'avoir cette étiquette-là. Ce sont des amis Android, et je suis passé du côté obscur de la force. C'est assez rigolo, et c'est marrant, je trouve que c'est assez drôle. Je trouve que vraiment, je travaille depuis dessus, donc je fais des choses sur le Mac. Je les retrouve sur mon iPhone, je le retrouve sur la tablette et je peux même travailler, même sur la tablette, on y reviendra, mais sur la tablette je peux même travailler alors, sur des choses où on n'a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités d'un PC, d'un fixe du moins, mais je peux travailler vraiment sur la tablette sans travailler sur le Mac. Il faut vraiment le tester pour savoir. Alors après, si on n'utilise que... un téléphone, un iPhone, mais que derrière on a un Windows et puis on a peut-être une tablette Samsung, c'est peut-être on peut peut-être aussi perdre cette fibre de d'interopérabilité. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais voilà, quel joli mot. Peut-être si c'est ça, je suis content. Mais on peut peut-être perdre cette interopérabilité entre les différents appareils si on a juste un iPhone. Si on a juste aussi la tablette iOS et qu'on a un téléphone Android avec un PC Windows, on peut peut-être aussi perdre cette interopérabilité. Moi, je le dis super bien. Et puis, vice-versa, après, voilà, c'est l'inverse. Moi, c'était quand même un petit peu l'inverse parce que j'avais un Mac, j'avais un Android, mais moi, je trouve quand même qu'il y a une différence entre Android et Windows. Donc, du coup, aussi, cette interopérabilité, on ne la retrouve pas quand même à 100%. Elle s'intègre pas, les systèmes ne s'intègrent pas entre eux assez facilement. Donc, comme je connaissais déjà les produits Apple, Apple TV, etc., pour moi, c'était la suite logique pour vraiment travailler comme il faut, en sachant vraiment où je mets les choses et comment travailler sur ces choses-là, comment retrouver ces choses. Ça reste une même logique. Et d'avoir un seul environnement pour plusieurs produits, eh ben on a une sorte de capacité à s'y retrouver plus facilement, à travailler beaucoup plus rapidement. Alors, je ne fais pas cette vidéo pour dire les différences qu'il y a entre les deux systèmes. Chaque système a toutes les fonctionnalités qu'il faut, hein, pour travailler, pour contacter des personnes, hein, via les différentes applications. C'est pas, y en a pas un qui est moins bien que l'autre. En fait, je trouve que c'est une question d'environnement. Le fait de travailler sur un même environnement, sur plusieurs produits, mais d'un même environnement, un même système, je trouve que c'est... Voilà, il y a moins de gymnastique à faire que si on travaille sur plusieurs environnements différents. Parce que les synchros, les choses comme ça se font... voilà, il faut des applications tierces hein, pour synchroniser ses documents, etc. Donc on peut toujours installer du Google Drive sur de l'iOS. On peut toujours faire ça. Voilà, mais je trouve que l'alchimie entre tous ces terminaux qui ont le même système, bah, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Alors pourquoi je ne serais pas passé l'effet inverse? Bah, comme je vous disais tout à l'heure, l'effet inverse, ça serait que j'aurais qu'un produit, peut-être Apple, et avec les autres produits, bah, ça serait un peu l'incruste dans l'environnement. Donc après, ça sera une question de goût aussi, parce qu'on peut très bien avoir juste un produit Apple et tout le reste Android ou Windows, et puis se dire, bah, j'aime vraiment bien l'interface, etc. Donc on peut basculer du côté obscur de la force. Mais voilà, après, ça va être vraiment les goûts. Moi, c'est plutôt une question de fonctionnalité. Et après, de savoir si ça réagit, si on clique là, voilà, est-ce que c'est facile à faire. Bah, d'un système à un autre, je trouve que bah, chaque chose est facile à paramétrer, et puis c'est facile d'accès pour toutes les applications dans les réglages, etc. Donc c'est plutôt la fonctionnalité, et puis la chimie entre tous les OS de tous les terminaux. Et bien voilà, mesdames, messieurs, j'espère que c'était un petit audio, mais j'aime bien faire les petits formats, ça permet de les écouter en entier et pas de passer énormément de temps à couper. Ça reste, alors je vais pas vous décevoir hein, sur ce que je dis, je dis peut-être des choses fausses, ça reste mon avis. Alors après c'est clair que je parle tout seul, mais ça serait bien aussi d'échanger sur ça. Après je dis pas non plus que les produits Apple c'est les meilleurs, l'OS c'est le meilleur, alors loin de là. Non, moi ça reste vraiment la fonctionnalité qui me les fonctionnalités et puis l'interopérabilité qui m'intéresse ici. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour un prochain épisode. J'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps, donc je ne les ai pas enchaînés comme les deux premiers, mais peut-être je trouverai un petit peu plus de temps sur les mois qui suivent, et j'espère que ça va aller. En attendant, bah, portez-vous bien, peut-être avant les fêtes de fin d'année, j'aurai l'occasion de vous souhaiter tout ça. Sinon, bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Ciao, ciao.